Le lion ne rugit plus, mais il miaule. Crois-tu qu'il puisse encore longtemps tenir son rôle? À la fin de son règne, lorsque le lion vieillit, le plus jeune que lui met un terme à sa vie, car il n'est souverain sans une voix qui gronde. Et puis ces jeunes-là ont souvent les dents longues. J'admire, camarade, que tes yeux soient ouverts. Malgré la propagande, tu peux encore voir clair. Mais en réalité, c'est moi qui suis l'auteur de ce coup de folie du grand ordonnateur. Je lui ai saboté son masque à oxygène pour lui faire inspirer un hallucinogène. Grâce à quoi, je sais que tu comprends. Car quel homme va très mal, car quel homme est mourant. Es-tu prête à me suivre au terme de mon plan? N'oublie pas que depuis les cadets de l'Oxa, nous sommes camarades, ça ne se refait pas. Mais pour Tekdé, c'est différent. C'est vrai, il ne vit que pour Hieron. C'est vrai. Et défend son image auprès de l'opinion. C'est vrai. C'est pourquoi il faudrait à tout prix le convaincre. C'est vrai. Qu'il est sur le déclin et que si le roi reste. C'est vrai. Il se pourrait bientôt car quel homme le déteste. Mais pour sortir Hieron de cette issue funeste, lui peut agir en retournant sa veste. Trahir pour mieux servir celui qu'il a aimé, lui assurer la gloire et la postérité. C'est ainsi qu'on créa le fils de Dieu naguère. Tekné serait celui qui lui redonne un père. Il endosse ce rôle, le royaume est sauvé. Il est tant fanatique qu'il ne peut refuser de mourir pour la loi, de se sacrifier. Il s'agira de dire que notre souverain a découvert le traître avec l'épreuve en main et qu'il a décidé de l'exclure aussitôt. Mais le fourbe caché sous sa robe un couteau qu'il sortit pour frapper le tyran dans le dos. Bien que touché à mort, le grand ordonnateur parvint à retourner la lame vers l'auteur de ce crime odieux aux yeux de la nation. Ce sera la version donnée à l'opinion. Car en réalité, Tekné sera lui-même auteur du régicide et de l'acte suprême. Prenons l'air accablé, il arrive vers nous. Parlons de cet instant où Hieron